Bonjour, aujourd'hui je veux parler de la mort, comment réagir quand la mort est en vue, comment mourir. Le médecin Paul Tournier, dans le siècle passé, a écrit « La maladie interrompt brusquement la routine de la vie et nous confronte avec notre destin. Si nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, nous allons pouvoir entrer dans la vie éternelle avec sérénité, sachant que Dieu nous recevra dans ses bras d'amour. Les vrais croyants vont quitter leur corps, iront vers la lumière et seront accueillis dès leur arrivée dans le royaume de leur Père céleste. Si notre vie n'a pas été toute à la gloire de Dieu, grâce à notre confiance en Jésus-Christ, notre mort, elle, pourra être une expérience des plus glorieuses. Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre foi dans les paroles du Christ nous fera oublier toutes nos peines et tous nos échecs. La mort sanctifiera tout. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Seule une foi vivante en Jésus-Christ, seule une foi vivante en Jésus-Christ peut donner une telle espérance au cœur d'un homme ou d'une femme couché dans son dernier lit. Joignons nos dernières souffrances à celles du Christ sur la croix et disons avec lui « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. » Si vous êtes en phase terminale ou allez l'être bientôt, si ce message vous a touché et que vous désirez cette paix devant la mort, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. « Mon Dieu, mon corps m'abandonne, mon esprit le quittera bientôt. » Mais avant de partir et de comparaître devant toi, je veux faire la paix avec mon passé. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Je les place toutes au pied de la croix et je me laisse laver par ton sang. Jésus, tu es désormais mon sauveur personnel. Quand je mourrai, j'entrerai dans la lumière éternelle et tu me recevras dans tes bras d'amour. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible si vous n'en avez pas. Et je vous encourage également à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.